Ça fait trop longtemps que j'attends le beau temps. Je serai content, un fameux bout de temps, si je m'envole vers le bouton. Je tourne le bouton de la télévision, de la télévision qui me donne des boutons. Je quitte le troupeau de moutons. Je veux avoir beau teint, j'ouvre le bottin, je cherche un bon train, je me botte le train, je veux un pays bout en train. Comme le chat botté, enfoui de 7 lieues, je cherche la beauté, je rends l'état des lieux, je m'envole vers le bouton. On dit qu'au bouton, les gens sont contents, le bonheur te tend la main au bouton. Je veux m'y installer pour un bouton.